Les rassemblements commémoratifs ont eu lieu en Allemagne, en Serbie, en Pologne, au Mexique et en Angola à l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du dirigeant Kim Jong-il et du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, en présence des personnalités et habitants de divers milieux des pays hôtes. Les orateurs ont exalté les exploits du dirigeant Kim Jong-il, qui a défendu parfaitement la souveraineté et la dignité du pays avec l'originale politique de Sun Gun. Ils ont souligné ensuite que grâce au commandant suprême Kim Jong-un, l'armée populaire de Corée fera toujours honneur à sa tradition d'invincibilité.